Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert, pour y être tenté par le diable. Et quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'approchant, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la sainte ville, et le mit sur les créneaux du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une fort haute montagne, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si en te prosternant en terre, tu m'adores. » Mais Jésus lui dit, « Va Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voilà, les anges s'approchèrent, et le servirent. Or Jésus, ayant ouï dire que Jean avait été mis en prison, se retira en Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, ville maritime, sur les confins de Zabulon, et de Nephtali, afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Ésaïe le prophète, disant, « Le pays de Zabulon, et le pays de Nephtali, vers le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils. Ce peuple, qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et à ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dès lors Jésus commença à prêcher, et à dire, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, savoir, Simon, qui fut appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ayant aussitôt quitté leur filet, ils le suivirent. Et de là étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une nacelle, avec Zébédée leur père, qui raccommodait leur filet, et il les appela. Ayant aussitôt quitté leur nacelle, et leur père, ils le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies, et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui se portaient mal, tourmentés de diverses maladies, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Et de grandes troupes de peuple le suivirent de Galilée, et de Décapolis, et de Jérusalem, et de Judée, et de là le Jourdain.